en étant qui dans sa houle de mer en mer ne prend pas vent dans les airs et s'allonge au-dessus de la terre en vainqueur. Une voix étrangère s'en vient à nous, c'est celle qui rend le sommeil. La voix façonneuse donne tous les qu'incessants amours d'hiver. Avec la nuit, la lèvre chasse d'un demi-dieu.